بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، Bienvenue à vous, chers frères, chères sœurs et chers auditeurs de Radio Mirat al-Anbiya, autour du 18e cours, autour des fondements et des particularités des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense ceux qui sont à l'origine de cette radio. Frères en Allah subhanahu wa ta'ala et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, la foulée encore aujourd'hui a frappé dans le département de l'Aude, dans la ville de Trèbes. Il y a eu une prise d'otage, il y a eu aussi des morts, des blessés. Encore un acte criminel qui n'est pas conforme à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un acte criminel que rejette la raison saine, et toute nature saine rejette, et aucune législation ne l'accepte. Ça, c'est un acte qui émane de certains insensés, et le résultat de cet acte va tout simplement le fait de rendre la vie encore plus difficile aux musulmans en Europe et ailleurs. Et ça, c'est un acte de lâcheté. Ceux-là qui agissent ainsi dépassent les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils font du mal sur terre, et Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ceux qui font le mal sur terre. Les musulmans en général, et les salafis en particulier, sont innocents de ce genre d'actes. Ils désavouent ce genre de barbarie. Ils la désavouent complètement. Et la sunna de notre prophète alayhi salatu wasalam est claire à ce niveau-là. Et les paroles des grands hommes de science sont claires à avertir contre eux ce genre de crime. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'anéantir ces Dawa'ish et ces Khawarij dans toutes leurs tendances, et que Allah subhanahu wa ta'ala repose la communauté du mal de ceux-là. Allahu al-musta'an. Et revenons à notre sujet. Fait partie des fondements et des gens de la Sunna et de leur particularité aussi, contrairement aux gens de l'innovation, c'est que le fait de mettre en application l'islam complet, complètement, de prendre l'islam en sa totalité, dans sa totalité. Contrairement aux gens de l'innovation, qui, eux, prennent certains aspects, certains côtés de la religion, et oublient les autres côtés de la religion, ou sont souciés peu, ils sont souciés peu des autres côtés. Ainsi, tu trouves que les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna se cramponnent à la loi d'Allah et au jugement d'Allah dans tout, à tous les niveaux, que ce soit en ce qui concerne les fondements, en ce qui concerne les actes, à tous les niveaux, qu'ils soient à des grands sujets ou des petits sujets. Contrairement aux gens qui se sont constitués en partie en tendance et en innovateurs, ceux-là, en plus qu'ils appellent souvent, on veut le jugement d'Allah, où il est le jugement d'Allah, Mais en réalité, ils ne se cramponnent pas. Ils ne mettent pas en application le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala dans beaucoup de choses qui concernent la religion. Et même des fois, dans en ce qui concerne les fondements et les croyances. وفي بيان ذلك يقول العلامة المجاهد ربيع المدخلي حفظه الله وغفر له ومما يخد على هذا الاتجاه عموما أنهم قد وضعوا قاعدة وهي أن الإسلام كل لا يتجزأ وهي قاعدة عظيمة لو طبقت على منهج السلف الصالح بدون غلو. Et pour nous éclairer sur cela, l'érudit, le combattant Cheikh Rabi, Habibullah Ta'ala, dit, est-ce qu'on peut critiquer et reprocher à cette tendance en général, hein? C'est que, ils ont émis une règle, qui est une énorme règle, qui dit que l'islam est un tout qui ne se morcelle pas. Et ça, c'est une règle qui est noble. Et qui y ronde. S'il a été appliqué selon la voie, des pieux prédisseurs d'Allah alim sont tombés dans l'extrême. Yaqulu, lakin ma'al asaf, qad ghallabu alayha qa'idatan ukhra, wa hiya nata'awan fima ittafaqna alayh, wa ya'dhur ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fih. Wa yaqulu, wa hadhihi, wa hiya 'ibaratun wasi'a. وسعت الخلافات في الأصول والفروع من كل الفرق المنتسبة إلى الإسلام بل امتدت على أيدي بعضهم إلى الدعوة إلى وحدة الأديان وعقد مؤتمرات لذلك. Il dit malheureusement, cette règle qui est l'islam, hein, est un tout qu'il faut prendre en entier. Ben, ils ont mis au-dessus de cela et ils l'ont appliqué, mais à la lumière. Et ils l'ont conditionné avec une autre règle, qui est on s'entraide sur les choses sur lesquelles on est d'accord et on s'excuse sur les choses sur lesquelles on est en divergence. Et cette expression du Cheikh Hafidhahullah est une expression large, dans laquelle vont rentrer toutes les divergences. Que ce soit les divergences au niveau des fondements, au niveau des détails, et où dans lequel vont s'immiscer tous les groupes et toutes les tendances. Il dit même, c'est aller encore plus loin par l'intermédiaire de certains, c'est qu'ils ont immiscé, ils y sont rentrés, l'unicité des religions, pour laquelle ils ont accompli, ils ont appelé, et ils ont eu des séminaires et des congrès pour ce point. يقول حفظه الله لكن كثر القوم يخالفونها مخالفة شديدة مع الأسف وذلك أن تعلقهم الشديد بقامة الدولة الإسلامية ويسمون ذلك بالدعوة إلى الحاكمية قد شغلهم عن الاهتمام بأصل الإسلام الذي هو التوحيد بأنواعه ولم يدركوا إلى الآن بسبب ذلك الانشغال أن موجبات الاهتمام بالدعوة إلى التوحيد قائمة على أشدها كما هي في عهود النبوات كلها بمن فيهم محمد صلى الله عليه وسلم أو أشد. Il dit, حفظه الله تعالى, pour nous montrer que ces gens-là prennent ce qui leur plaît, ce qui leur convient au niveau de l'islam. Il dit, mais tu vois ces gens-là sont dans une grande divergence avec cette règle qu'ils mettent en avant. L'islam est un tout. Il dit malheureusement, le fait qu'ils s'attachent fortement à l'établissement d'un état islamique, et ils appellent ça appeler vers l'hakimiya, la da'wa vers l'hakimiya, appeler vers le jugement d'Allah, et vers le fait d'appliquer la législation d'Allah. Ceci les a préoccupés. Ils se sont occupés tellement de ce point et d'appeler vers ce point qu'ils ont oublié le fondement de l'islam, qui est le monothéisme dans toutes ses parties. Et ils n'ont pas su, jusqu'à maintenant, à cause du fait qu'ils sont préoccupés par l'hakimiya, hein, qu'il y a une grande nécessité à s'occuper d'appeler les gens vers le monothéisme. Hein, et qu'on est dans des périodes maintenant, dans une époque où les gens ont encore plus besoin, ont un grand besoin de la da'wa du prophète alayhi salatu wassalam et de la da'wa de Muhammad alayhi salatu wassalam. Ils ont encore plus besoin. Et il a dit vrai, Hafidhahullah ta'ala. يقول حفظه الله إن الدعوة إلى الحاكمية وتطبيقها أمر مهم ويهم كل مسلم يفهم الإسلام إذا رعيت شروطها وكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مهم وعظيم اللي حفظه الله كل دعوة في الدبل في الحاكمية et de la mettre en application ceci est très important et il concerne tout musulman. Tout musulman qui comprend l'islam, ça le concerne. Si on utilise et on respecte ces conditions, et qu'on respecte tout ce qui a été transmis par Mohammed alayhi salam, car tout ce qui a été transmis par Mohammed alayhi salam est important. يقول لكننا نتساءل هل الدعوة إلى الحاكمية تستلزم الإهمال أو التقصير في أصل أصول الإسلام. Il dit, et nous posons la question maintenant. Est-ce que le fait d'appeler vers le hakimiya implique de négliger le fondement des fondements de l'islam? يقول حفظه الله الجواب لا. إن حاكمية الله يجب أن تبدأ من أعظم شيء في الإسلام ألا وهو الاعتقاد في الله وفي أسماء جلاله وصفات كماله كما تعرف الله إلينا بها في كتابه العظيم وكما علمنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم لتمتلئ قلوبنا بها نورا وإيمانا ويقينا وإعظاما وإجلالا دي الحاكمية الله. Il faut qu'il commence par la chose la plus importante, par le point le plus important dans l'islam, qui est les croyances en Allah Azza wa Jal, les croyances en ses noms et ses attributs, en ses noms sublimes, en ses majestueux attributs subhanahu wa ta'ala, comme il s'est fait connaître à nous, Azza wa Jal, dans son noble livre qui est le Coran, et comme nous l'a enseigné son noble messager alayhi salatu wassalam, dans sa sunnah, pour que nos cœurs puissent être remplis de lumière, de foi, de certitude et de grande vénération à Allah subhanahu wa ta'ala. يقول أيجوز في حاكمية الله ودينه أن تعطل أسماء جلاله وصفات كماله وهي أسمى وأجل وأعظم ما ضمه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Est-ce qu'il est permis maintenant dans la حاكمية d'Allah, dans le jugement d'Allah et dans sa religion, qu'on dépouille les noms de la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on dépouille ces nobles attributs qui sont la chose la plus importante et la plus grande et la plus qui contient le plus les descriptions de majesté pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ces noms et ces attributs sont contenus dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. يقول لماذا لا نطلب من علماء المسلمين بإلحاح أن يحكموا كتاب الله وسنة نبيه في هذا الأمر الخطير. Il dit pourquoi on ne demande pas aux hommes de science de la communauté musulmane avec insistante qu'ils mettent en application le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son messager alayhi salam sur ce sujet très dangereux qui est le fait de reconnaître et d'attribuer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué à lui-même et ce qu'il lui a attribué son messager alayhi salatu wassalam, sans lui faire des similaires, sans lui chercher des égaux, sans les dépouiller de leur sens, et ainsi de suite. يقول حفظه الله أيجوز في حاكمية الله وشرعه ونظامه أن يخالف كثير وكثير من المسلمين منهج الأنبياء في توحيد العبادة وإخلاصها لله ويتخذوا مع الله أندادا يدعونهم ويستغيثون بهم ويهتفون بهم في الشدائد ويمعنون في ذلك حتى يشركونهم في الربوبية فيعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون. Il dit, حفظه الله تعالى, est-ce qu'il est permis dans la législation d'Allah et dans le jugement d'Allah عز وجل que beaucoup de musulmans tombent en divergence, ils sont dans la divergence avec la voie du prophète ﷺ en ce qui concerne le monothéisme de l'adoration, en ce qui concerne le fait de réserver le culte et de le vouer exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils prennent des équivalents avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils adorent avec Allah subhanahu wa ta'ala, auprès desquels ils demandent secours, ils leur demandent des choses. Et il les appelle au moment où ils sont en difficulté. Hein? Ils sont allés plus loin, jusqu'à faire associer ces associés qu'ils ont pris avec Allah, les associer dans la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils croient en eux comme quoi ils connaissent l'invisible et qu'ils gèrent cet univers. Iyadan billah. Et ce qu'ils cherchent, c'est une réalité. À tel point maintenant, tu as dans le monde musulman des saints et qui ont des spécialités. Tu veux avoir des enfants et te disent, va voir Ibrahim dans telle montagne, dans le Haut Atlas. Il l'appelle Attayl Azara, le donneur des célibataires. Tu as une maladie de rhumatisme, il t'oriente vers tel. Et ainsi de suite. C'est des morts, ils leur ont donné des spécialités. Donc, cheikh, il ne parle pas de quelque chose qui se passe dans Mars. C'est une réalité qui existe. Et cette réalité, ces tendances qui appellent vers le jugement d'Allah, sont ceci peu. Il ne lui donne même pas d'importance que le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala soit spolué. يقول حفظه الله أليس هذا عدوانا على أعظم حقوق الله أليس هذا هو أظلم الظلم فإن الدعوة إلى الحاكمية إذن وإن هي العدالة il dit حفظه الله est-ce que ça c'est pas une grande hostilité vis-à-vis du plus grand des droits d'Allah عز وجل est-ce que ça ce n'est pas l'énorme injustice il dit oui donc le fait d'appeler vers le jugement d'Allah. Où est donc la justice ? يقول أيجوز في حكم الله وشرعه أن نرد الطرف عن الصوفية وهي تعبت بعقائد المسلمين وعقولهم فتفسدها وتدمرها بعقيدة الحلول ووحدة الوجود ووحدة الأديان وبغير ذلك من ضلالات التصوف. Il dit est-ce qu'il est permis dans les lois d'Allah et dans sa législation, et dans la loi d'Allah, qu'on ferme les yeux sur les soufis, alors qu'ils font n'importe quoi, et qu'ils jouent avec les croyances des musulmans, et ils sont en train d'anéantir les raisons des musulmans, et de les détruire avec la croyance de l'unicité de l'existence, avec le fait de croire comme Allah subhanahu wa ta'ala rentre dans toutes choses, il est dans toutes choses, et que Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur et la créature, c'est une même chose. Avec le fait d'appeler aussi à l'unicité des religions et d'autres formes d'égarement qui existent dans ces sectes. L'ayadan billah. Yaqul, ayajouzu fi hakimiyatillah wa dinihi. أن تشاد الألوف من القبور في معظم بلدان الإسلام ليطاف بها ويعتكف حولها وتشد إليها الرحال وينذر لها بالكثير الكثير من الأموال وتقام لها الاحتفالات ويفعل المسلمون حولها وبها ما يندى له جبين الإسلام وما يضحك من المسلمين والإسلام أعداءه من الوثنيين واليهود والنصارى والشيوعيين il dit est-ce qu'il est permis dans le jugement d'Allah Azza wa Jal et dans sa religion qu'on construise des milliers de tombes et des milliers de mausolées sur des tombes dans une grande partie des pays de l'islam pour que on fait tawaf autour de cette tombe pour qu'on y vienne faire des retraites spirituelles et pour qu'on voyage spécifiquement pour cette tombe, hein, et pour qu'on leur voue beaucoup d'argent, hein, beaucoup de budget sont donnés à ce genre de, hein, de tombe et de mausolée autour duquel il y a, hein, on adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des fêtes qui s'accomplissent pour cette tombe. Les Maghrébins appellent ça le moussem. Hein? Dans d'autres pays, ça a d'autres noms. Et les musulmans accomplissent à côté de cette tombe et à côté de ces sanctuaires des choses, hein, qui donnent la sueur à l'islam. Qui fait couler la sueur sur le front de l'islam. Et ils accomplissent des choses qui, hein, font rire les ennemis de l'islam. Que ce soit les adorateurs du statut, ou la légende du livre, ou la, les communistes, ou autres. Tous ils rigolent. Ayajouzu fi hakimiyatillah, antamouta sunan, wa taqouma ala anqadiha al-bida'u wal-khurafat wal-asatir. Est-ce qu'il est permis dans les lois d'Allah qu'on fasse mourir les sunan? Et que, à la place de la sunna, on accomplisse les innovations et les histoires à dormir debout et les légendes qui ne tiennent pas. Yaqul falimada la nufhimu al-muslimina an al-a'mal jahiliya tudad hakimiyat Allah. Il dit pourquoi, dans ces cas-là, on ne fait pas comprendre aux musulmans que les actes de la période pré-islamique sont en contradiction avec les jugements d'Allah. Il dit ولماذا لا ندعو أهلها إلى التحاكم إلى الله والخضوع في كل هذه المجالات لحاكمية الله. Il dit pourquoi dans ces cas-là on n'appelle pas les gens qui baignent dans ces choses qui sont en contradiction avec l'islam, pourquoi on les appelle pas à prendre comme juge Allah subhanahu wa ta'ala, le livre d'Allah et sa sunna, et à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala à tous les niveaux, à se soumettre au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala à tous les niveaux. وقال حفظه الله الحاكمية عند السياسيين تعني جانبا معينا من الإسلام وهو ما يتوصلون به إلى الكراسي وسدة الحكم. Il dit que Allah سبحانه وتعالى préserve la حاكمية chez les politiciens, hein? Ça concerne un côté de l'islam, c'est le moyen et le facteur avec lequel ils vont arriver au pouvoir. خلاص. أما الحاكمية التي دل عليها القرآن فهي في كل صغيرة وكبيرة في العقيدة وفي المنهج وفي العبادة وفي كل شيء. قال عز وجل إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. كنت وجيج من الله qui est cité dans le Coran, il concerne toutes choses dans la vie du musulman, des grandes choses et des petites choses, hein? Que ça soit dans les croyances, que ça soit dans la voie, ou que ça soit dans les adorations, et à tous les niveaux, dans le social, dans le commerce et ainsi de suite. Le verset il est clair, écoute-le comment il dit dans sa traduction approximative. Le jugement est à Allah. Et la première des choses, il dit, il a ordonné qu'il ne soit adoré que lui. La première des choses qui découle du jugement d'Allah, c'est que le culte il soit réservé. Ce n'est pas prendre le pouvoir. Hein? فأول ما يدخل في هذه الحاكمية عبادة الله التي ينفر منها هؤلاء السياسيون. ويحاربون من يدعو إليها إن الحكم إلا لله في كل شيء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يعني أمر وحكم ألا تعبدوا إلا إياه. Et donc la première des choses qui rentrent dans les lois d'Allah et dans le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est son adoration subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de lui réserver le culte exclusivement. Mais ces politiciens se sauvent de ce côté-là. ça ne les arrange pas. Ils combattent tout un chacun qui appelle vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que le verset il est clair, le jugement est à Allah, c'est-à-dire dans toute chose. Dans l'autre verset qu'il a cité ici, dans la traduction approximative, il nous dit ceci, ton souverain a ordonné qu'il soit adoré uniquement. Hein? Donc c'est un jugement qui a été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala. فالحاكميه في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وعند السلف تشمل الكليات والجزئيات كلها والاصول والفروع ليست بالجانب السياسي فقط اما هم فيحصرونها في الجانب السياسي ويجعلونها قسما رابعا اي من اقسام التوحيد وهذه حيل من حيل السياسيين يقنعون الشباب بأن هذا قسم رابع ثم هذا القسم الذي اخترعوه يطغى على الجميع وينسي الأصول الأخرى il dit حفظه الله تعالى le jugement dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sunna du messager alayhi sallallahu alayhi sallam et dans la voix des pieux prédisseurs wallah alayhim concerne les grandes choses et les petites choses concerne les fondements et les détails concerne les fondements et les ramures. Hein? C'est pas tout simplement le côté politique. Quant à cette tendance, à ces divisions, il limite la hakimiyya d'Allah dans la politique. Et ils font que la hakimiyya est un quatrième, hein? Est une quatrième partie du monothéisme. Et ça, c'est une ruse. Parmi les ruses des politiciens pour convaincre les jeunes comme quoi, hein, l'hakimiyya, c'est la quatrième partie du monothéisme. Cette hakimiyya, cette quatrième partie qu'ils ont inventée, qu'ils ont innovée, mais cette hakimiyya et cette quatrième partie prend le dessus sur tous les autres fondements. يقول وهذا أنا بينته ولله الحمد في كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله حينما تصديت للرد على دعاة الحاكمية هم لا يطبقون الحاكمية لا في العقائد ولا في العبادات ولا في شيء ويقولون للناس الحاكمية وهي قسم الرابع وإذا وصلوا يظهر كذبهم إذا وصلوا إلى ماذا؟ إلى كرسي الحكم يظهر كذبهم الجيساء J'en ai donné l'éclaircissement et la louange est à Allah dans mon livre La méthodologie du prophète alayhi salam dans la da'wa vers Allah. Quand je me suis attaqué aux prêcheurs de l'hakimiyya et j'ai réfuté leurs faux, alors qu'eux, ils ne mettent pas la hakimiyya d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans les croyances ou que ce soit dans les adorations, et en rien du tout ils la mettent. Et ils disent aux gens, la hakimiyya, c'est une quatrième partie du monothéisme. Et quand ils arrivent au jugement, apparaît dans ces cas-là leur mensonge. Hein? Et tu as à voir la véracité de ce qui vient du cheikh, quand les frères musulmans ont pris le pouvoir en Égypte, ou ailleurs, ou en Tunisie. Ils ont mis en application la législation d'Allah. Hein? Donc, Cheikh Hafidhahullah, il ne parle pas, il n'invente pas des histoires, ni il ne parle pas d'une communauté qui vit dans Mars. Il parle, il relate la situation d'une réalité que nous vivons, et que nous, qui est devant nous. Hein? Enfin, il fait partie aussi, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, des fondements et des particularités des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna, c'est que ils ont un grand respect pour les nobles compagnons d'Allah alayhim. Et leurs cœurs sont pleins d'amour pour les nobles compagnons d'Allah alayhim. Et ils ne mettent pas de critiques contre les nobles compagnons d'Allah alayhim. Et quand ils citent les nobles compagnons, ils ne les citent qu'en les complémentants. Et pour nous éclairer sur cette place quand les nobles compagnons du prophète alayhi salam, chez les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, Cheikh Rabi' il dit, قال حفظه الله إن لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنزلة رفيعة عند الله وعند رسوله والمؤمنين وقد أثنى الله عليهم في محكم كتابه وأخبر عن رضاه عنهم ورضاهم عنه فمن ذلك قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا قال الخطيب البغدادي رحمه الله وهذا اللفظ وإن كان عاما فالمراد به الخاص وقيل هو وارد في الصحابة دون غيرهم Pour nous éclairer sur ce respect et cette estime qu'ont les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna en ce qui concerne les nobles compagnons de Allah alayhim, le combattant Cheikh Rabi' il dit que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et allonge sa vie dans son obéissance. Il dit, les nobles compagnons du messager alayhi sallam ont une grande place chez Allah et chez le messager alayhi sallam et chez les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala les a élogés dans son livre, dans le Coran, dans sa parole subhanahu wa ta'ala. Il a annoncé dans le Coran comme quoi il les agrée et qu'eux aussi agréent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve. Fait partie des éloges de ses nobles compagnons et ce sont eux en priorité qui rentrent dans cette description. Le verset qui dit ceci dans sa traduction approximative, vous êtes la meilleure des communautés que Allah subhanahu wa ta'ala a fait exister et qu'il a fait sortir pour les gens. Vous ordonnez le bien et vous blâmez le mal. Et c'est eux en priorité qui y rentrent. Dans l'autre verset, dans la traduction approximative nous dit ceci, ainsi nous avons fait de vous une communauté du juste milieu pour que vous soyez des témoins sur les gens et que le Rasoul soit témoin sur vous. Le Baghdadi rahimahullah a dit cette expression, même s'il est général, il est voulu avec le spécifique. Et il a été dit que ces versets sont descendus concernant les nobles compagnons et non pas d'autres. Wa qawluhu ta'ala laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Et aussi l'autre verset dans la traduction approximative dit ceci, Allah subhanahu wa ta'ala a agréé les croyants quand ils te font l'allégeance sous l'arbre. Qui a fait l'allégeance sous l'arbre à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam? Sinon ses compagnons, ridwanullah alayhim. Quand ils t'ont fait l'allégeance sous l'arbre, Allah subhanahu wa ta'ala a su ce qu'il y a dans leur cœur. Et il a descendu la quiétude sur eux. Et il les a récompensés avec une grande conquête proche. La conquête proche ici, c'était quoi? La conquête de la Mecque. وقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Et l'autre verset dans lequel il est dit dans la traduction approximative du sens, et les premiers, c'est-à-dire les premiers qui sont rentrés dans l'islam, les premiers parmi les immigrants, et l'Ansar, leurs alliés de Médine, et ceux qui les suivent à la perfection, Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Et eux, ils agrissent qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve. Les premiers qui sont muhajirun et qui sont ansar, Allah subhanahu wa ta'ala les agrée sans condition. Ceux qui sont venus après eux, il est obligatoire qu'ils les suivent à la perfection. Wa qawluhu ta'ala wa s-sabiquna s-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im. Et aussi le verset dans la traduction approximative qui dit de ses compagnons, il est premier, les premiers, hein, c'est-à-dire les premiers qui sont rentrés dans l'islam, ceux-là, ce sont les rapprochés. Ils sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont dans des grands jardins dans lesquels ils ont, hein, la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui les attend. وقوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. Et le verset qui dit dans sa traduction, ô prophète, Allah te suffit. Tu suffis à toi et à ceux qui t'ont suivi parmi les croyants. وقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار من والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والآيات في بيان فضلهم ومنزلتهم كثيرة. Et aussi le verset qu'il a cité ici dans la traduction approximative du sens, les pauvres parmi les muhajirun qui ont quitté la Mecque vers Médine, qu'on a sorti de leur demeure, on leur a fait quitter, hein, leur ville, leur maison, leur fortune, et tout ceci parce qu'ils veulent. Ils veulent la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils veulent l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et ils font triompher, ainsi ils font triompher la religion d'Allah. Ils font triompher son messager. Ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a décrit ainsi. Ceux-là, ce sont les véridiques. Ceux-là, ce sont les véridiques. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a décrits ainsi. Et ceux qui sont à Médine, et qui ont cru, hein, et qui aiment ceux qui ont émigré vers eux, et qui ne trouvent rien dans leur cœur, hein, ils trouvent aucune gêne à donner ce qu'ils ont, même s'ils en ont besoin, même s'ils sont dans le besoin. Et celui qui se préserve de son avarisme, ceux-là, ce sont ceux qui ont réussi, hein. Et là, c'est une description des alliés de Médine qui les ont accueillis, qui leur ont ouvert leur demeure, leur ville, et qui ont passé le besoin d'Yel Muhajirin avant leur besoin. Ridwanullahi alayhi majma'in. Et les versets concernant les mérites et la grande place des nobles compagnons sont nombreux. وَأَتْنَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَبَيَّنَ فَضْلَهُمْ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرًا. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام البخاري رحمه الله والإمام مسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. إي الرسول صلى الله عليه وسلم زائلو جي Et il nous a montré les mérites de ces nobles compagnons, dans beaucoup de hadiths. Dans ce hadith cité ici de l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, les meilleurs, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs des gens, ce sont ceux de ma génération. Et puis ceux qui le suivent. C'est-à-dire la génération qui les a suivis. Et la génération qui a suivi la génération qui les a suivis. Et après, viendra après eux des gens dont leur témoignage va dépenser son serment. Et son serment va dépasser, hein, son témoignage. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. Et dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Muslim, et l'expression est l'imam Muslim, Abdullah ibn Abbas dit, ou le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit plutôt, n'insultez pas mes compagnons. N'insultez pas mes compagnons. Par celui qui tient mon âme entre ses mains, si quelqu'un parmi vous venait à dépasser l'équivalent de la montagne d'Uhud au nord, il n'arriverait pas à la dépense d'une poignée qu'aurait fait un noble compagnon ou la moitié d'une poignée qu'aurait fait un compagnon. Hein? وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عبادة أحدكم عمره قال الألباني صحيح ذكره شارح الطحاوية اي ابن عباس dans ce qu'a cité l'interprétateur de Tahawiya. Et Cheikh Al-Albani a dit de cet attar que c'est un attar qui est authentique. Ibn Abbas a dit n'insultez pas les compagnons de Mohammed alayhi salam. Car la position, l'adoration de l'un parmi eux une heure avec le prophète alayhi salam, mieux que votre adoration toute votre vie. L'adoration d'une heure d'un compagnon avec le prophète alayhi salam est mieux que l'adoration de l'un parmi nous durant toute sa vie. Qui peut avoir cette place dans la communauté? وقال ابن مسعود رضي الله عنهما إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعته برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء ذكره شارح الطحاوية ها وهو موقوف كما قال الألباني على ابن مسعود رضي الله عنه et ابن مسعود de dire que الله سبحانه وتعالى agréé comme l'a cité l'interprétateur de Tahawiya l'Albani a dit que cette parole c'est la parole d'Abdullah ibn Mas'ud et que الله سبحانه وتعالى ابن مسعود a dit الله سبحانه وتعالى a regardé les cœurs des serviteurs. Il a vu que le cœur de Mohammed alayhi salam est le meilleur des cœurs, le plus noble des cœurs. Il l'a élu pour lui, subhanahu wa ta'ala. Il l'a envoyé avec son message alayhi salam. Et après il a regardé dans le cœur des serviteurs, après Mohammed alayhi salam, il a vu que les cœurs de ses nobles compagnons, ce sont les meilleurs des cœurs. Et il a fait d'eux des vizirs de son prophète alayhi salam qui combattent pour sa religion. Et ce que les musulmans ont vu bon, il est bon chez Allah. Et ce que les musulmans ont vu mauvais, il est mauvais chez Allah. Et c'est de qui il s'agit? Des nobles compagnons, radhiyallahu anhum. Wa qala al-imam al-Tahawi rahimahullah wa nuhibbu ashab rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان إيه إمام طحاوي رحمه الله أدي يونم لكمبانيون دو ميساج عليه الصلاة والسلام إيه ونيجليج لامور دو أوكان دو. Et on se désavoue d'aucun d'eux. Et on déteste ceux qui les détestent. On déteste ceux qui les détestent. Et ceux qui les citent en mal, on les déteste. Et on ne cite les compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi sallam qu'avec le bien. Et le fait d'aimer les compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi sallam, c'est la religion, c'est la foi, c'est la bienfaisance. Et le fait de les détester, c'est de la mécréance, c'est l'hypocrisie, c'est dépasser ses limites. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله بعد أن استشهد بآيات كريمة وأحاديث شريفة على مكانتهم وفضلهم والأخبار في هذا المعنى تتسع وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآن، وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة رضوان الله عليهم والقطع على تعديلهم ونزاهتهم. فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق له، فهم على هذه الصفة إلا أن يثبت على أحد ارتكاب ما لا يحتمل إلا قصد المعصية فيحكم بسقوط العدالة، وقد برأهم الله من ذلك ورفع أقدارهم عنده سبحانه وتعالى. إيه خطيب البغدادي رحمه الله après avoir cité avoir pris comme preuve beaucoup de versets, beaucoup de nobles versets, beaucoup de hadiths qui montrent les mérites des nobles compagnons et leur grande place. Il a dit tout ça, hein, tout ça signifie la grande place et les mérites qu'ils ont, ces nobles compagnons d'Allah. Il dit tous ces textes concordent, les textes du Coran, tous ces textes concordent avec ce qu'il y a dans le Coran. Et cela implique la pureté des nobles compagnons d'Allah. Et qu'il faut croire qu'ils sont dignes de confiance. Et qu'ils sont purs, les doigts d'Allah. Et qu'ils n'ont pas besoin d'être élogés par quelqu'un. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a désignés comme étant des dignes. Hein? Et c'est lui qui connaît leur fort intérieur, subhanahu wa ta'ala. Donc ils n'ont pas besoin d'être élogés par quelqu'un. Hein? Parmi les créatures. Ils sont dans cette... Hein? Dans cette situation, tant qu'il n'est pas prouvé que quelqu'un parmi vous, parmi eux, a volontairement été dans la désobéissance. Et dans ces cas-là, dit le khatib, à ce moment-là, sa adala, sa dignité va tomber. Mais il dit, Allah subhanahu wa ta'ala les a innocentés de tomber dans ce genre de situation. Et il les a élevés, subhanahu wa ta'ala. على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين المزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين. قال وهذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء. Il a dit rahimahullah ta'ala que si maintenant on n'a pas reçu ni d'Allah ni de son messager quelque chose les concernant, c'est-à-dire au niveau des éloges qu'ils ont, hein, par lesquels ils ont été élogés par Allah et par son messager. Dit leur situation implique leur situation dans laquelle il est qu'ils ont fait l'immigration pour faire triompher la religion d'Allah, ils ont combattu sur le sentier d'Allah, ils ont fait triompher la religion d'Allah et son messager, ils ont tout sacrifié, leur temps, hein, leur âme, leur argent, ils ont même combattu leurs parents, leurs enfants, ils ont conseillé pour la religion d'Allah et ils avaient la forte foi, la certitude, et tout cela implique qu'on doit croire irréfutablement en leur dignité. Hein? Et croire qu'ils sont purs et qu'ils sont les meilleurs des créatures. Ils sont meilleurs que tous ceux qui ont été élogés après eux, qui sont venus après eux. Et il dit, rahimahullah, et ça, c'est la voix de tous les hommes de science et de tous ceux donc la parole est considérée parmi les hommes de science. يقول وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, il dit dans l'Aqidah al-Wasitiyah, il fait partie des fondements des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna, c'est que leurs cœurs sont épargnés de haine ou de critique ou d'insultes de quoi que ce soit, ainsi que leur langue vis-à-vis des nobles compagnons. Hein? Dire que dans le cœur des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna, ils ne croient que le bien en les nobles compagnons. Ils les estiment et ils les aiment. Hein? Hein? Ils sont, les nobles compagnons sont comme il les a décrits Allah subhanahu wa ta'ala, et les croyants sont comme Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits. Dans le verset qui dit, dans la traduction approximative du sens du verset, et ceux qui sont venus après eux, c'est-à-dire ceux qui sont venus avec les nobles, après les nobles compagnons, et disent, ô souverain, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont devancés dans la foi. Il fait que dans nos cœurs, il n'y a rien. Il n'y a pas de mal les concernant, il n'y a pas d'haine hein, contre ceux qui ont cru. Ô souverain, tu es le clément et le doux. Hein? Donc les croyants, après les nobles compagnons, n'ont que de l'estime et de l'amour pour les nobles compagnons. Et ils font du'a pour eux. Ridwanullah alayhim. Wa ta'atu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi qawlih. لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Et Cheikh l'Islam de dire, et l'obéissance du messager alayhi dans sa parole, c'est-à-dire que les croyants obéissent au prophète alayhi, quand il a dit quoi? N'insultez pas mes compagnons, par celui qui tient son âme entre ses mains, c'est quelqu'un parmi vous venait à dépenser hein, l'équivalent de la montagne de Hud au nord, il ne serait pas arrivé à l'équivalent d'une dépense d'une moitié de poignée d'un noble compagnon. يقول الشيخ ربيع حفظه الله ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم ويتبرؤون من طريق الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. Et les croyants, dit Cheikh Rabi, et les gens de la Sunna, ceux qui sont unanimes sur la Sunna, acceptent tout ce qui a été cité dans le Coran et dans la Sunna et dans le consensus concernant les mérites et les grandes places des nobles compagnons d'Allah. Ils se disent à vous de la voix des rawafid qui détestent les nobles compagnons, qui les insultent. Ils se disent à vous aussi des nawasib. Nawasib qui critiquent, qui insultent au niveau de la parole et qui font du mal à la famille du prophète alayhi salam. Au niveau de leurs actes et au niveau de leurs paroles. يقول حفظه الله ومن نظر ومن نظر في صفة في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم الصفوة من قرون وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. Il a dit, حفظه الله تعالى, et celui qui regarde la biographie, c'est-à-dire des nobles compagnons, il saura avec clairvoyance les bienfaits et les mérites avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il les a comblés. Il sera d'une façon irréfutable et avec une grande certitude que ce sont les meilleurs des créatures après les prophètes alayhimus salatu wassalam, et qu'il n'y aura pas et qu'il n'y a pas eu et il n'y aura pas comme eux. Il n'y a pas eu comme les nobles compagnons, il n'y aura pas comme eux non plus. Et ce sont l'élite des générations de cette communauté. cette communauté qui est la meilleure des communautés que Allah subhanahu wa ta'ala a honorée. Eux, ce sont l'élite de cette communauté. Et ce sont les meilleurs des créatures après les prophètes, alayhi salatu wassalam. Et la terre ne verra plus comme eux. وقال حفظه الله إن لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منزلة عظيمة ومكانة رفيعة قررها الله تبارك وتعالى في كتبه التي أنزلها لهداية البشر وعلى ألسنة رسله الذين كلفوا بتبليغ تلك الرسالات المتضمنة لهذه الهداية إلى ذكر الله سبحانه وتعالى لبخزان que les nobles compagnons de Mohammed alayhi salam ont une grande place. Cette place qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a confirmée, même dans les livres qui sont descendus, révélés avant le Coran. Ces livres qui ont été révélés, descendus pour guider l'humanité par la voix des messagers à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné ces livres et qu'il leur a intimé la responsabilité de les transmettre, parce qu'il contient la guidance de l'humanité, dans ces livres descendus avant Mohammed alayhi salam et avant le Coran, les nobles compagnons sont cités, et leurs mérites ont été cités. قال الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Le premier verset qu'il a cité, dans lequel sont cités les nobles compagnons dans la Torah et dans l'Évangile, avant leur existence. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, Muhammad, le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont fermes et forts devant les mécréants, cléments entre eux, tu les vois en inclinisant, et en prosternation, ils cherchent la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les signes sont sur leur visage. Le signe est sur leur visage, c'est-à-dire le signe de la prosternation, de la prière. Leur exemple, c'est-à-dire, dans la Torah et dans l'Évangile. C'est-à-dire que ainsi ils sont cités dans la Torah et dans l'Évangile. Jusqu'à la fin du verset qui dit Allah subhanahu wa ta'ala a promis à ceux qui ont cru et fait bonne œuvre parmi eux une grande récompense et un grand pardon. وقال في حقهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. Et il est dit les concernant dans la traduction approximative du sens du verset, ne seront pas égaux ceux qui ont dépensé avant la conquête de la Mecque et ceux qui ont dépensé après. Ceux qui ont dépensé avant la conquête de la Mecque et qui ont combattu, et ceux qui l'ont fait après. Ceux-là, c'est-à-dire les premiers, ont la grande place. Ils sont à des degrés très élevés que ceux qui ont dépensé après la conquête de la Mecque et qui ont combattu après la conquête de la Mecque. Mais tous, Allah a promis le paradis. وَكُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. Tous, Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis le paradis. رضوان الله عليه. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Et il a dit les concernant dans cette traduction approximative du sens du verset, vous êtes la meilleure des communautés que Allah subhanahu wa ta'ala a fait exister pour les gens, vous ordonnez le bien et vous blâmez le mal. Et comme ils sont passées les paroles de Khatib, même si le texte est général, il signifie une spécificité qui est due au noble compagnon de Allah. وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Et dans l'autre verset aussi dans la traduction approximative qui dit ainsi nous avons fait de vous une communauté du juste au milieu pour que vous soyez des témoins sur les gens et que le prophète soit témoin sur vous. Et donc tout ça en priorité rentre dedans les nobles compagnons de Allah. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Et les premiers parmi ceux qui ont émigré, les Ansar, leurs alliés, ceux qui les suivent à la perfection. Allah subhanahu wa ta'ala les agrée et ils agréent ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé. ولقد يقول حفظه الله ولقد وعي أسلافنا الصالحون هذه الحقائق الكبيرة وهذه المنزلة العظيمة لهؤلاء الأخيار سادة هذه الأمة وقادتها وإمتها في العلم والجهاد والعبادة والأخلاق والصدق في كل شيء في الأخبار وتبليغ هذا الدين والعمل به والدعوة إليه والجهاد في نشره وإعلائه على الأديان كلها. إيه اللي حفظه الله nos pieux prédécesseurs ont capté et ont compris ces grandes réalités. Ils ont compris cette noble place et cette grande place qu'on sait qu'à cette élite qui sont les nobles compagnons d'Allah, qui sont les maîtres de cette communauté, qui sont les dirigeants de cette communauté, qui sont les imams de la science et les commandants du combat et les imams dans les adorations, dans les comportements, dans la véracité, dans toutes choses. Dans la véracité dans tout ce qu'ils ont transmis du messager alayhi salatu wassalam, dans la véracité de ce qu'ils ont transmis comme religion d'Allah, dans la véracité de la mise en application de cette religion d'Allah, dans la véracité de dans la da'wa vers la religion d'Allah, et dans la véracité dans le combat qu'ils ont fait pour propager la religion d'Allah et pour faire que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala prenne le dessus sur toutes les religions. يقول وعاء أسلافنا الصالحون هذه الحقائق والمنازل الرفيعة لهؤلاء الأمجاد الأكرمين واستقر هذا الوعي في قلوبهم فدانوا به وربوا الأمة عليه وألفوا في فضائل هؤلاء الصحب الكرام المؤلفات لينو بيو بخديسان دو الله عليهم ont capté, ont compris ces réalités, cette noble place qu'on est noble, qu'on s'est noble, Ridwanullah alayhim. Et ce qu'ils ont capté, ce qu'ils ont compris, c'est instauré dans leur cœur et c'est ancré dans leur cœur. Et ils l'ont pris comme religion. Et ils ont éduqué la communauté sur cela. Et ils ont écrit des livres concernant les mérites des nobles compagnons, Ridwanullah alayhim. وتلقى ذلك عنهم الأجيال جيلا بعد جيل لا يخالفهم في هذا المنهج إلا من خذله الله فلم يرفع رأسا بما قرره القرآن والكتب قبله ولا بما قرره الرسول صلى الله عليه وسلم ثم خيار أمته. Et tout ceci a été accueilli d'une noble façon et d'une bonne façon par les différentes générations, génération après génération. N'a été en divergence dans cette voie que ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a fiblé, et ceux qui ont divié, et ceux qui ne donnent pas l'importance et qui ne lèvent pas leur tête avec ce qui a été confirmé dans le Coran et dans les livres avant le Coran, et ceux qui ne lèvent pas la tête avec ce qui a été confirmé par le messager alayhi salatu wassalam et par les meilleurs de cette communauté. يقول ولإيماننا بهذه المنزلة الرفيعة لهؤلاء السادة الأخيار سادة الأمة رأينا حتما علينا أن نشيد بفضلهم وبمكانتهم وأن ندب عن حياضهم ونحمي أعراضهم وأن نفديهم بمهجنا وأعراضنا وأموالنا رخيصة لا نخشى في الله لومة لائم. Il dit, vu notre croyance, vu la croyance que nous avons concernant l'énorme place et la grande place qu'on s'est noble de la communauté, qu'on sait maître de la communauté, nous voyons qu'il faut propager et déclarer haut et fort leur mérite, leur place et défendre, et les défendre, hein, et défendre leurs honneurs, et que ceci nous le mettons en avant, au devant nos honneurs, au devant notre fortune, et tout ceci n'est pas cher, hein, pour la défense de ses nobles compagnons, nous ne craignons rien, nous ne craignons dans ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et peu importe les critiques. وقال حفظه الله ينبغي أن نعرف منزلتهم ونعرف لهم قدرهم وأنهم أفضل الناس بعد الأنبياء وما عرفت البشرية بعد الأنبياء مثلهم في كل تاريخها ما عرفت مثلهم إيمانا ويقينا وإخلاصا وجهادا وبدلا وتضحية ففتح الله بهم القلوب وفتح بهم الشعوب واستنارت الأمة بما بلغوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبجهادهم في نصرة هذا الدين فيستحقون منا كل إجلال وكل احترام والله من أجلهم نوالي ومن أجلهم نعادي إلى ذلك الله سبحانه وتعالى الخزر إلي obligatoire de connaître leur valeur, leur place. Et que ce sont les meilleurs des gens après les prophètes alayhi salatu wassalam. L'humanité n'a pas connu après les prophètes alayhi salatu wassalam dans toute son histoire des gens comme les nobles compagnons d'Allah alayhi. Hein? Que ce soit au niveau de la foi, au niveau de la sincérité, au niveau de la certitude, au niveau du combat sur la santé d'Allah subhanahu wa ta'ala, au niveau du sacrifice, hein, qu'ils ont prodigué pour la religion d'Allah. Et pour faire triompher le messager d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, par leur intermédiaire, a ouvert des cœurs et des peuples entiers. Et la communauté a été illuminée par le message qu'ils ont transmis de leur messager, alayhi salatu wassalam, et par le combat qu'ils ont prodigué pour faire triompher cette religion. Donc ils méritent de notre part de les estimer, hein, de les aimer, de les estimer, de les défendre. Et pour eux, on salue. Et pour eux, on dit à vous. On dit à vous pour les compagnons, et on salue pour les compagnons, radhiyallahu anhu. يقول ومن هنا من تقدير أهل السنة لهم قالوا من انتقص صحابيا واحدا فهو زنديق انتقاصا فقط كيف بالسب والطعن والتكفير ومن انتقص صحابيا فهو رافضي خبيث. Partant de là et partant de cette estime qu'ont les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna concernant les nobles compagnons, ils ont dit celui qui manque de respect, hein, un compagnon c'est un zindiq. Le zindiq, sa signification veut dire hypocrite. Tout simplement, leur manquer de respect. Qu'est-ce qu'il en est du fait de les insulter, de les critiquer, de décréter leur, de dire, hein, qu'ils sont des mécréants, l'aïadam billah. Celui qui manque de respect à un compagnon, c'est un rafidé impur. يقول حفظه الله هذا يا إخواننا حق وحماية أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد رضي الله عنهم كيف وقد وعدهم بالجنة كيف وقد زكاهم وأنزلهم هذه المنزلة العظيمة ها وعرفها الصحابة بعضهم لبعض وعرفها التابعون وعرفها علماء الأمة السابقون عرفوا هذه المنزلة ويبقى الغثاء والجهل والضلال والزنادقة يعادون هؤلاء. Et il dit, ça, frère en Allah, Azzawajal, c'est la vérité. Défendre les honneurs des nobles compagnons de Allah. Comment ne pas les défendre alors que Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés? Comment ne pas les défendre alors que Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis le paradis? Comment ne pas les défendre alors que Allah subhanahu wa ta'ala les a élogés, il leur a donné cette grande place et cette noble place. Et les nobles compagnons ont su cela. Les uns les autres parmi eux ont su cette place qu'ils méritent, ridwanullah alayhim. Leurs successeurs ont su aussi leur place qu'ils méritent, la place que méritent les nobles compagnons. Et les hommes de science ont reconnu cette place que leur a donnée Allah subhanahu wa ta'ala. Les anciens et les contemporains, tous ont connu, hein, la place, la noble place qu'ont les nobles compagnons. Reste les ignorants, les égarés, zanadiqa, c'est eux qui se disent à vous des nobles compagnons. Hein? C'est eux qui se disent à vous. Et on rappelle de ce que, là s'arrête le cours d'aujourd'hui, inshallah. On rappelle de ce que j'ai dit tout à l'heure, rien. La prise d'otage, comme celle qui a eu dans l'ordre ce matin, ne fait pas partie de la voie des nobles compagnons d'Allah. Hein? Les nobles compagnons étaient des hommes braves et courageux. Hein? Ils ne faisaient pas, quant à ceux qui ont agi ce matin et qui ont commis ce crime, c'est une lâcheté qui ne correspond pas au comportement de l'islam et aux enseignements de l'islam et à la sunna de notre prophète alayhi salam et à la voie sur laquelle étaient les nobles compagnons d'Allah alayhim. Fallait musulmans disent à vous ce genre d'acte. Et les musulmans et l'islam est innocent de ce genre d'acte, comme a été innocent le loup du sang de Yusuf alayhi salatu wassalam. Fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum wa jazakumullahu khayran.